Bonjour à toutes et à tous, ici Lia. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle Minute Bonheur. Tous les mardis à 8h et 13h30. Et aujourd'hui, je consacre cette chronique à l'action. Et oui, comme j'aime toujours le dire, nous sommes bien tous acteurs de nos vies. Bien plus que de tenir le rôle principal, nous sommes surtout l'auteur, le scénariste et le réalisateur de notre propre réalité. Beaucoup d'entre nous restons sur des acquis, bien assis dans notre zone de confort, et pourtant nous aspirons à bien autre chose, et surtout nous sentons bien que cette routine, ce défilement d'expériences que nous rencontrons, pour une très bonne raison, j'en suis persuadée, ne nous correspond pas. Au fur et à mesure de lecture, d'introspection, d'expérience, d'échange et d'écoute, j'ai pris connaissance du fait que c'est notre chair mentale qui était le principal responsable du fait que nous ne dépassions pas cette fameuse zone de confort. Parfois, pas toujours très confortable d'ailleurs, en nous faisant ressentir tout un tas d'idées négatives et surtout beaucoup de peur pour que nous restions exactement là où nous sommes sans vouloir nous dépasser. Et pourtant, quoi de plus merveilleux que de partir loin de ses limites, à l'aventure, en pleine exploration de soi-même? Quoi de mieux pour prendre confiance en soi, retrouver estime et assurance que de se dépasser, ou plutôt dépasser cette réalité, cette bulle que nous avons créée, et de regarder loin là-bas? Il est temps de passer à l'action. Tout simplement pour se sentir vivant. Selon l'article de psychologie.com que je vous ai déniché aujourd'hui, pour agir, nous devons nous libérer des pensées négatives, écouter nos rêves et surtout accepter de nous poser en individu responsable de nos destins. Pour cela, il faut entamer une prise de conscience et de connaissance de soi et apprendre à dissocier son être de son mental et ainsi, tel le papillon, se libérer de sa chrysalide et s'envoler en toute sérénité. C'est l'aiguillon du temps, la prise de conscience qu'il sera peut-être bientôt trop tard, qui nous incite à agir malgré nos peurs, affirme le psychanalyste Jacques Arénès. Éternel, nous remettrions sans cesse à plus tard le moment fatidique. Mais l'envie pressante de passer à l'action et de cesser d'être à côté de sa vie ne suffit pas toujours. Certains individus sont inhibés depuis si longtemps qu'ils ne savent plus comment s'y prendre, affirme le psychiatre Frédéric Fanger, auteur d'Où vas-tu ? Il s'agit par conséquent d'apprendre par un travail personnel à débloquer le frein à main des pensées négatives. Je suis trop nul, je n'y arriverai pas, et d'explorer les peurs qui nous maintiennent dans la passivité. Que va-t-il se passer si je quitte ce travail que je n'aime pas ? En fait, selon moi, il serait bon de simplement prendre conscience que parfois, c'est notre peur de l'échec, de l'inconnu qui est le plus grand obstacle, et qu'en fait, il nous est possible de tout réaliser par notre simple volonté. Frédéric Fanger nous propose également de remettre en cause tous ces modèles de réalisation de soi prônés par la société, être en couple, fonder une famille, avoir un poste valorisant, etc., qui nous incitent à oublier nos propres idéaux. Comment sortir du cercle vicieux de l'inhibition et de l'inaction pour entrer dans celui vertueux de l'action et de la réussite ? En avançant progressivement. Je décide de faire quelque chose de facile et dont j'ai très envie. Je pense que je peux y arriver. J'essaye, je réussis. Je me sens efficace, du coup, j'ai envie de recommencer, explique le psychiatre. Selon lui, il est toujours possible de renouer avec le fil de son désir et de redessiner son chemin de vie. Et si pour certains un accompagnement constitue une aide formidable, d'autres verront leur destin transformé par une bonne rencontre, une parole éclairante, un déclic salvateur. Ou par un proche qui croit en eux. Quand le psychiatre Christophe André m'a proposé d'écrire un livre, j'ai d'abord pensé « j'en suis incapable, je n'ai rien à dire », se souvient Frédéric Fanger. Puis, je m'y suis mis et je ne le regrette pas. Mais sans cette proposition, je crois que je n'aurais jamais écrit. Pour agir, nous avons aussi besoin de rêves. S'accomplir, c'est regarder vers l'avenir, affirme le psychothérapeute Alain Delourme, auteur de « Construisez votre avenir ». C'est grâce à ces projets que l'individu permet au futur de ne pas être une répétition du passé ou de ne pas se poser en simple succession mécanique du présent. Nous avons également besoin de nous sentir pleinement responsables de nos vies. Fritz Perls, psychiatre et psychanalyste allemand, inventeur de la gestalt-thérapie dont je vous ai déjà parlé, invitait ses patients à s'y entraîner. J'ai conscience de bouger ma jambe et j'en assume la responsabilité. Je ne sais pas quoi vous dire et j'en assume la responsabilité. Progressivement, ces exercices viennent à bout de cette tendance très humaine qui consiste à mettre les autres, les événements, en position de décider pour nous. Durant l'Antiquité et le Moyen-Âge, l'épanouissement de soi ne passait pas nécessairement par l'action, mais plutôt par l'inaction, la contemplation. Pouvait s'épanouir celui qui vivait libéré des tâches matérielles et loin du concret. Cela a changé à partir du 19e siècle. Depuis, l'action est mise en valeur comme la condition sine qua non de la réalisation de soi. Se réaliser, s'étendre vers un perfectionnement de soi, ce qui implique nécessairement un passage à l'acte. Un homme est la somme de ses actes, écrivait Malraux. Cela dit, attention au piège de l'hyperactivité, le défi est d'équilibrer les moments d'action et les moments de lâcher prise. Selon ma deuxième source web, le site Penser et Agir, qui présente le développement personnel par l'action, votre vie est une succession de choix quotidiens qui entraînent des actions et créent votre vie au fur et à mesure que vous effectuez ces choix. La règle la plus importante du développement personnel par l'action, un seul choix peut tout changer. Vous créez votre réalité au quotidien en fonction des choix que vous effectuez. C'est la perception que vous avez de la réalité au jour le jour qui filtre les situations que vous allez vivre. Comprendre ce mécanisme est la base du développement personnel par l'action. Lorsqu'une prise de conscience arrive, c'est qu'un changement va avoir lieu. C'est le moment de sortir de sa zone de confort pour entrer dans la zone de magie. Le développement personnel par l'action explique que vous pouvez passer de votre situation actuelle à votre situation idéale grâce à votre vision. Une vision est un désir, une simple idée abstraite et non détaillée. Par exemple, votre vision peut-être « Je veux vivre en étant riche et heureux au bord de la mer ». Cette vision vous permet de vous projeter dans le futur et d'imaginer vivre votre situation idéale. Mais en l'état, il est pratiquement impossible de passer à l'action concrètement sur cette idée. C'est pourquoi le concept de projet de vie est très important et est au cœur du développement personnel par l'action. Le projet de vie est énoncé en une phrase et sa principale caractéristique est de concrétiser la vision afin de la rendre réalisable, mesurable et temporellement définie. La clé de la réussite de n'importe quel projet est la persévérance. Je me rappelle d'une phrase qui m'avait beaucoup impactée. Réussir consiste à essayer assez longtemps sans jamais abandonner. Cette formule a le mérite d'être toujours vraie. Si j'essaye assez longtemps, alors je finirai bien par réussir. Le challenge ici est que pour persévérer assez longtemps pour réussir, il faut être capable de développer une motivation sur le long terme. C'est pourquoi le carburant de la persévérance est la motivation. Pour être motivé sur le long terme, il faut apprendre et mettre en place des habitudes de vie et des stratégies de motivation. La motivation n'est pas quelque chose d'inné, personne n'est motivé à 100% en permanence. Les baisses de motivation sont naturelles. Être motivé sur le long terme revient à apprendre à gérer ces baisses de motivation pour mieux rebondir. Les stratégies de motivation à long terme sont un ensemble de techniques et de méthodes qui agissent sur vos facteurs d'influence internes et vos facteurs d'influence externes. Ne vous demandez plus pourquoi passer à l'action. Cette question n'a pas lieu d'être. La réponse simple à retenir est « Action aujourd'hui égale résultat demain ». C'est valable pour tous les domaines. Sport, alimentation, confiance en soi, vie sociale, entrepreneuriat, investissement, etc. Pourquoi passer à l'action? Pour espérer pouvoir atteindre vos objectifs, tout simplement. Voici quelques conseils pour passer à l'action. Eh bien, commencez par agir, se mettre en mouvement, bouger son corps pour se lancer dans un nouveau move, sortir, respirer, commencer ces cours de yoga dont nous avons tant envie depuis des mois. Laissez libre cours à vos envies. Reconnectez-vous au moment présent. Cela permet de casser le cercle des pensées négatives et de chasser le trop-plein de réflexions et d'analyses. Cela permet aussi de diminuer la charge émotionnelle, souvent le principal frein au passage à l'action. La respiration est un très bon moyen pour y arriver. Se concentrer sur l'air frais qui entre et sort de ses narines, par exemple. Rappelez-vous de vos objectifs. Il est très facile au fil des jours et des semaines de perdre de vue nos objectifs et de passer trop de temps sur des choses moins importantes. Il est aussi très facile au fil des jours et des semaines de perdre de vue pourquoi nous visions ces objectifs. Rappelez-vous régulièrement ce que vous voulez réaliser et pourquoi vous voulez le réaliser. Et si les gains et bénéfices que vous pensez tirer de vos projets ne sont pas suffisants, pensez à ce que vous pourriez perdre si vous ne travaillez pas sur vos projets. Je vous encourage à noter vos objectifs sur un carnet et de noter l'évolution de ce que vous mettez en place au jour le jour pour vous auto-motiver. Engagez-vous auprès de votre entourage. Partager avec une personne de votre entourage peut vous aider à rester sur la bonne voie et à continuer de prendre des initiatives vers votre but ou votre rêve. Prenez la responsabilité de vos actes. Prendre la responsabilité de ses actes et plus globalement de ce qui nous arrive dans la vie est un conseil qui revient souvent et ce n'est pas pour rien qu'il est essentiel. N'oubliez pas, vous êtes le principal acteur, auteur, scénariste, réalisateur de votre vie. Alternez les périodes de travail et les périodes détente. Vous ne pouvez pas rester concentré ou efficace des heures durant. C'est psychologique. Vous avez besoin d'alterner les périodes de travail et les périodes de détente. Utilisez par exemple un minuteur de cuisine ou le chronomètre de votre téléphone. Réglez-le sur la durée voulue. Pendant cette période, travaillez sur la tâche la plus importante et sur rien d'autre. Évitez toute distraction. Après ce temps donné, faites une pause pour vous détendre. Éloignez-vous de votre espace de travail et profitez-en pour aller vous balader, pour vous étirer ou pour manger une pomme pendant les 15 prochaines minutes. En travaillant sur ces périodes de concentration maximale, vous allez être plus productif et fournir un travail de meilleure qualité, être capable de vous concentrer plus longtemps et être moins fatigué. Vous entraînez à vous concentrer sur une seule chose à la fois au lieu d'être constamment partagé entre le travail et la détente et de ressentir du stress, être capable d'apprécier vos moments de repos sans culpabiliser. Concentrez-vous d'abord sur le comment. Si vous commencez à vous perdre dans vos pensées et vos analyses alors que vous songez à passer à l'action, arrêtez immédiatement vos réflexions. Évitez de vous retrouver coincé dans la spirale de la paralysie par l'analyse. Bien sûr, penser avant d'agir est une attitude intelligente dans de nombreux cas, mais trop réfléchir peut être aussi une excuse pour ne pas réellement passer à l'action. Coupez le fil de vos pensées, ne restez pas bloqué sur tout ce qui pourrait mal se passer. Ouvrez-vous à ce que vous pouvez faire maintenant, puis faites-le. Rendez le tout plus agréable. Certaines tâches sont peut-être juste ennuyantes ou pas drôles du tout. Dans ces cas, essayez ce qui suit pour accomplir vos tâches dans une ambiance plus agréable. Mettez de la musique qui vous inspire et qui vous donne de l'énergie. Imaginez que c'est un jeu et que vous vous battez contre le temps ou contre vous-même pour dépasser vos limites. Voyez ce que vous faites d'une façon différente, alléger les choses un petit peu. Vous vous rendrez compte qu'en général, il devient bien plus facile de réaliser les tâches que vous auriez pu laisser traîner un certain temps. Nourrissez votre enthousiasme. Quand vous rêvez ou quand vous commencez quelque chose de nouveau dans votre vie, un enthousiasme abondant vous envahit. Quelques semaines plus tard, il peut avoir diminué. Cela ne doit pas être une raison de laisser tomber si vous pensez que c'est quelque chose que vous voulez continuer à faire. Dans ce cas, tirez plutôt profit de l'enthousiasme déjà présent autour de vous. Accueillez en vous l'enthousiasme de la personne auprès de qui vous vous êtes engagé. Montrez votre enthousiasme vis-à-vis de ses objectifs et de ses rêves pour lui rendre l'appareil. Écoutez par exemple des podcasts ou des livres audio de personnes inspirantes. Accueillez aussi en vous l'enthousiasme de vos amis, enfants et animaux de compagnie. Écoutez de la musique. Accueillez dans votre vie l'enthousiasme du reste du monde et nourrissez-vous-en. Célébrez ce que vous avez accompli hier. Prenez 2 minutes pour penser à ce que vous avez accompli hier pour l'apprécier et vous en féliciter. Même s'il s'agit de peu de choses, l'essentiel est que vous ayez agi et accompli. Ressentez pleinement la satisfaction et le bien-être qui en découle. Nourrissez-vous-en pour vous motiver à passer de nouveau à l'action. En fin de journée, faites le même exercice pour ce que vous aurez réalisé ce jour et recommencez le lendemain. Un petit cercle vertueux de confiance, d'amour-propre et d'action. Conclusion, vous retroussez les manches et mettre les mains dans le cambouis est la seule et unique méthode de donner vie et consistance à vos rêves et à vos envies. C'est en agissant régulièrement que vos aspirations et vos ambitions se concrétiseront. Votre vie, votre confiance et votre estime ne s'en porteront que mieux. Donc agissez dès aujourd'hui, choisissez une action même minuscule et réalisez-la. Si vous éprouvez quelques difficultés, eh bien ce n'est pas grave, nous en avons tous eu. L'essentiel est de recommencer. Maintenant, c'est à vous de jouer. Allez, action! Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine.